Sam les pierres. C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. À un moment donné, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, bien qu'endolori, ne dit rien, écrivit dans le sable « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a donné une gifle. » Ils continuèrent à marcher, puis trouvèrent une oasis dans laquelle ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. » Celui qui lui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda « Quand je t'ai blessé, tu écris sur le sable et maintenant tu écris sur la pierre. Pourquoi ?» L'autre ami répondit « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable où le vent du pardon peut l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la pierre. Aucun vent ne pourra l'effacer. Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. »